c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. sur les récepteurs 2A de la sérotonine et provoque une hypersensibilité aux couleurs, aux formes, aux sons et aux touches.